Chapitre 4. Saniel, qui était sur ses gardes et s'attendait à quelques roueries de la part de l'agent d'affaires, n'avait pas du tout prévu que ces témoignages d'intérêt aboutiraient à une proposition de mariage. Une exclamation de surprise lui échappa, mais elle se perdit dans le tintement de la sonnette. Caffier se leva. « Quel ennui de n'avoir pas de clerc, » dit-il. Il mit à aller ouvrir la porte un empressement qu'il n'avait pas eu pour Saniel et qui prouvait que, n'étant pas seul, il n'avait plus les mêmes craintes d'introduire quelqu'un chez lui. Ce fut un garçon de banque qui entra. « Vous permettez ?» dit Caffier, revenant dans son cabinet et s'adressant à Saniel. « C'est l'affaire d'un instant. » Sous la lampe, le garçon de banque cherchait dans son portefeuille. Il en tira une traite qu'il présenta à Caffier. « Les fonds sont faits, » dit celui-ci. « Avec vous, monsieur Caffier, les fonds sont toujours faits. » Caffier avait tiré de la poche de son gilet une clé avec laquelle il avait ouvert la caisse en fer placée derrière son bureau, et tournant le dos à Saniel ainsi qu'au garçon de banque, il comptait des billets dont ils entendaient le flat-flat. Il se redressa bientôt et, repoussant la porte de sa caisse, il posa sous la lampe les liasses qu'il venait de compter. À son tour, le garçon les compta, et les ayant placés dans son portefeuille, il salua. « Tirez la porte en sortant, » dit Caffier qui avait déjà repris son fauteuil. « N'ayez crainte. » Le garçon de banque partit, Caffier s'excusa pour cette interruption. « Reprenons notre entretien, si vous le voulez bien, mon cher monsieur. Je vous disais donc qu'il n'y avait pour vous qu'un moyen d'être tiré à jamais de vos embarras, et que ce moyen vous le trouveriez dans un bon mariage qui mettrait hic et nunc une somme raisonnable à votre disposition. » « Mais ce serait folie à moi de me marier en ce moment, quand je n'ai pas de position à offrir à ma femme. Et votre avenir, dont vous parliez tout à l'heure avec tant d'assurance, n'y avez-vous pas foi ? Une foi absolue, aussi ferme aujourd'hui que quand je suis entrée dans la lutte, mais plus éclairée. Cependant, comme les autres n'ont pas les mêmes raisons que moi pour espérer et croire ce que j'espère et crois, je trouve tout naturel qu'on doute de cet avenir, ce que vous avez fait vous-même à l'instant, en ne le trouvant pas bon pour garantir un simple prêt de 3 000 francs. Prêt et mariage ne sont pas la même chose. Un prêt ne vous tire d'embarras que momentanément, en vous laissant bien des chances pour que vous soyez obligé d'en contracter, successivement, plusieurs autres, ce qui, vous en conviendrez, atténue singulièrement les garanties que vous pouvez offrir, tandis qu'un mariage vous ouvre tout de suite la route que votre rêve ambitieux s'est promis de parcourir. Je n'ai jamais pensé au mariage. Et si vous y pensiez ? Pour cela, il faudrait tout d'abord une femme. Et si je vous en proposais une, que diriez-vous ? Mais vous êtes surpris, n'est-ce pas ? Je l'avoue. Mon cher monsieur, je suis l'ami de mes clients, et pour plusieurs, j'ose le dire, un père. C'est ainsi qu'ayant beaucoup d'affection pour une jeune dame et la fille d'une de mes amies, j'ai pensé en vous voyant et en vous écoutant que l'une ou l'autre pourrait être la femme qu'il vous faut. Toutes deux ont de la fortune. Elles sont intelligentes et elles possèdent des avantages physiques qu'un homme, un bel homme comme vous, est en droit d'exiger. Au reste, j'ai précisément leurs photographies et vous pouvez voir vous-même ce qu'elles sont. Il ouvrit un tiroir de son bureau et en tira un paquet de photographies dans lesquelles il se mit à chercher. Saniel, qui le suivait des yeux, remarqua que toutes ces photographies étaient des portraits de femmes. Enfin, il fit son choix et présenta deux cartes à Saniel. L'une représentait une femme de 38 à 40 ans, de forte corpulence, d'apparence robuste, toute couverte d'une quincaillerie d'horribles bijoux dont elle s'était parée pour se faire portraiturer. L'autre, une jeune personne d'une vingtaine d'années, assez jolie, habillée simplement, élégamment, et dont la physionomie distinguée et discrète contrastait avec celle du premier portrait. Pendant que Saniel regardait ses portraits, Caffier l'examinait, cherchant à deviner l'effet que produisaient ces deux sujets. « Maintenant que vous les avez vus, dit-il, parlons-en un peu. Si vous me connaissiez mieux, mon cher monsieur, vous sauriez que je suis la franchise même et qu'en affaires j'ai pour principe de tout dire, le bon et le mauvais, de façon que mes clients aient seuls la responsabilité de la décision qu'ils prennent. En réalité, il n'y a rien de mauvais sur ces deux personnes, car s'il y en avait, je ne vous les proposerai pas. Mais enfin, il y a des côtés que ma délicatesse m'oblige à vous signaler. Ce que je fais sans inquiétude, bien certain qu'un homme comme vous n'est pas l'esclave d'étroits préjugés. » Il fit une grimace douloureuse et de nouveau se prit la mâchoire à deux mains. « Vous souffrez ?» demanda Saniel. « Oui, des dents cruellement. Pardonnez-moi de le laisser paraître. Je sais par moi-même que rien n'est plus agaçant que le spectacle de la douleur d'autrui. » « Pas pour les médecins, en tout cas. Enfin, laissons cela et revenons à mes clientes. Celle-ci, » il présenta le portrait de la femme aux bijoux, « est, comme vous l'avez deviné, une veuve, une très aimable veuve. Peut-être a-t-elle quelques années de plus que vous, mais ce n'est pas là, me semble-t-il, un grief sérieux que vous puissiez soulever, votre expérience de la vie vous ayant assurément appris que l'homme qui veut être aimé, tendrement aimé, choyé, caressé, gâté, doit prendre une femme plus âgée que lui qui le traitera en mari et en fils. Son premier mari était un commerçant habile qui, s'il eût vécu, eût fait une belle fortune dans la boucherie, cela fut mâché plutôt que nettement prononcé, mais qui, bien que mort au moment où ses affaires se développaient, a laissé 20 000 livres de rente à sa femme. Comme je dis le bon, je dois dire aussi le regrettable. Entraîné par les fréquentations que nécessitait son commerce, cet homme très intelligent avait pris des habitudes d'intempérance fâcheuse que du dehors il avait apportées dans son intérieur et qu'il avait en quelque sorte imposées à sa femme. J'ai tout lieu de croire qu'elle s'en est corrigée, mais s'il en était autrement, vous pourriez facilement, vous médecin, l'en guérir. Vous croyez ? Sans doute. Cependant, comme le contraire est possible, vous n'auriez alors qu'à l'abandonner à son vice qui l'emporterait dans un assez bref délai. Et comme le contrat serait réglé par moi en vue de cette éventualité, vous vous trouveriez investi de la fortune et débarrassé de la femme. Si nous passions à l'autre, dit Saniel, qui avait écouté sans interrompre ce curieux exposé de situation, que Cafier faisait avec la plus parfaite bonhomie. Si graves que fussent les circonstances, il ne pouvait pas ne pas s'amuser de cette diplomatie cousue de fil blanc. J'attendais votre demande, répondit l'homme d'affaires avec un sourire grimaçant. Et si je vous ai parlé de cette aimable veuve, c'est plutôt par acquis de conscience que dans l'espoir de réussir. Quelque dégagé de préjugés qu'on soit, on en garde toujours quelques-uns. Je comprends les vôtres, et je dirai plus, je les partage. Heureusement, cette dont j'ai à vous entretenir maintenant ne donne pas prise à des griefs de ce genre. Prenez sa photographie, mon cher monsieur, et regardez-la pendant que je parle. Physionomie charmante, n'est-il pas vrai ? Éducation supérieure, faite dans un couvent à la mode. En un mot, une perle dont vous vous parerez. Maintenant, je vais aller à la paille, car il y en a une. Qui n'en a pas? Fille de comédienne, d'une de nos plus gracieuses comédiennes de genre. À sa sortie du couvent, la jeune fille a vécu chez sa mère. C'est là, dans ce milieu, je dirais capiteux, si vous voulez bien, qu'il lui est arrivé un accident. Bref, un enfant, un délicieux petit garçon, que le père aurait sûrement reconnu, tant il estimait la mère, si lui-même n'avait été marié. Au moins a-t-il assuré son sort par une donation de 200 000 francs, de sorte que celui qui épousera la mère et légitimera l'enfant par mariage subséquent aura la jouissance légale de ces 200 000 francs jusqu'à la majorité du gamin, si celui-ci y arrive. Ces petits êtres sont si fragiles. Vous, médecin, vous le savez mieux que personne. Dans le cas d'un malheur, le père hériterait de son fils pour moitié, et s'il est cruel pour un vrai père d'hériter de son vrai fils, la situation change du tout au tout quand c'est d'un étranger qu'on reçoit une fortune. Voilà l'affaire, mon cher monsieur, nette et franche, et je ne vous fais pas l'injure de supposer que vous n'en voyez pas les avantages sans qu'il soit besoin d'assister. Si je ne me suis pas plus clairement expliqué, mais rien n'est plus clair. La faute en est à cette fluxion qui me paralyse. Il se prit la mâchoire en geignant. Vous avez une dent qui vous fait souffrir ? Demanda Saniel sur le ton d'un médecin qui interroge un malade. Toutes les dents me font souffrir. À vrai dire, elles m'abandonnent. Vous avez consulté un médecin ? Ni médecin, ni dentiste. Certainement, je crois à la médecine, mais quand je me suis adressée à des médecins, ce qui ne m'est arrivé que rarement, j'ai remarqué qu'ils pensaient à leurs propres affaires beaucoup plus qu'à ce que je leur disais, et cela m'a éloignée d'eux. Moi, mon cher monsieur, quand un client me consulte, je me mets à sa place et j'entre dans sa peau. » Pendant qu'il parlait, Saniel l'examinait, ce qu'il n'avait pas fait jusqu'à ce moment, et il constatait en lui des signes d'un amaigrissement rapide tout à fait caractéristique. Il flottait dans ses vêtements, faits pour un homme moitié plus gros qu'il ne l'était maintenant. Son visage était rouge et luisant, comme s'il eût été recouvert d'une couche de sucre de cerise. « Voulez-vous me montrer vos dents ?» demanda Saniel. « Il serait peut-être possible de soulager vos douleurs. Vous croyez ?» Son examen ne fut pas long. « Vous avez la bouche sèche bien souvent, n'est-ce pas ? » demanda-t-il. « Oui. Votre soif est vive. Vraiment gênante. Dormez-vous bien ? Non. Vous avez des troubles dans la vue ? Oui. Ne vous êtes-vous pas aperçu que vous mettiez des taches poisseuses à votre linge ? Sans doute, mais je n'y ai pas attaché d'importance. Mangez-vous bien ? Je dévore, et plus je mange, plus je maigris. Je tourne au squelette. Je vois que vous gardez à la nuque des cicatrices de furoncles. Ils m'ont fait assez souffrir, les coquins, mais ils sont partis comme ils étaient venus. Dame, on est plus jeune à 71 ans, on a ses petits ennuis, car ce ne sont que des ennuis, n'est-ce pas ? Assurément, avec quelques précautions et un régime que je vous indiquerai, si vous le voulez bien, vous vous en débarrasserez facilement. Je vais toujours vous faire une ordonnance pour calmer vos douleurs de dents. Nous reparlerons du reste, car nous allons avoir l'occasion de nous revoir si, comme je le présume, vous appréciez les avantages de la proposition que je vous ai faite. Je voudrais y réfléchir. Rien de plus juste. D'ailleurs, il n'y a pas urgence. Où il y a urgence, c'est avec moi, car si je ne paye pas Jardine, je me trouve dans la rue, ce qui n'est pas une position à offrir à une femme. Dans la rue ? Dans la rue ? Les choses n'iront pas aussi vite que cela. Où en sont les poursuites ? Elles vont commencer. Jardine m'en a menacé. Elles vont commencer, elles ne sont pas commencées. Si, comme je le présume, ils procèdent par une saisie revendication, nous aurons du temps avant le jugement. Devez-vous quelque chose à votre propriétaire ? Le terme est échu le 15. Ne le payez pas. Cela est facile, il n'y a même que cela qui me soit facile. C'est un obstacle dans les jambes de votre jardine qui peut l'arrêter un moment. Nous pourrons ainsi manœuvrer plus aisément. L'essentiel est de m'avertir aussitôt que le feu commencera. Au revoir donc, cher monsieur. Chapitre 5. Bien que Saniel n'eût aucune expérience des affaires, il n'était pas assez naïf pour ne pas comprendre que Cafier, en lui refusant ce prêt, voulait le tenir dans une dépendance étroite. « Le calcul est simple, se dit-il en descendant les escaliers. Il se charge de ma défense et la conduit de telle sorte qu'un beau jour, qui n'est pas loin, je ne peux me sauver qu'en tendant la main à la jeune fille charmante. Quel gredin !» Cependant, telle était la situation qu'il devait se trouver heureux d'obtenir le concours de ce gredin. Au moins c'était du temps gagné, et Jardine, en voyant qu'il n'avait plus devant lui un mouton disposé à se laisser égorger, accepterait peut-être un arrangement raisonnable. Le tout était de manœuvrer de façon que Cafier n'empêchât pas cet arrangement. Par malheur, il se sentait peu propre à cette manœuvre, ayant toujours été droit devant lui, l'œil fixé sur son but, ne pensant qu'au travail qui le lui ferait atteindre. Et voilà que maintenant il fallait qu'il s'improvisât diplomate, en se pliant à des finesses, à des roueries qui n'étaient pas du tout dans sa nature brutale. Il avait commencé en ne disant pas tout de suite à Cafier ce qu'il pensait de ses propositions. Mais il est plus difficile d'agir que de se contenir, de parler que de se taire. Que dirait-il ? Que ferait-il quand le moment de l'action serait venu ? Il arriva chez lui sans avoir rien trouvé, et comme il passait devant la loge du concierge, absorbé dans sa préoccupation, il entendit qu'on l'appelait. « Monsieur le docteur, voulez-vous bien entrer un moment, je vous prie ?» Il pensa que c'était quelque consultation qu'on voulait lui demander, un pays qui attendait son retour, comme cela se produisait si souvent, et bien qu'il ne fût pas en disposition d'écouter patiemment des bavardages imbéciles, il revint sur ses pas et entra dans la loge. « C'est ça qu'on m'a apporté, » dit le concierge, en lui tendant une feuille de papier timbré couverte d'une écriture courue. Ça, c'était le commencement du feu dont Cafier avait parlé. Sans la lire jusqu'au bout, Saniel la mit dans sa poche et se prépara à sortir. Mais le concierge le retint. « Je voudrais dire deux mots à monsieur le docteur relativement à ce papier. »« Vous l'avez lu ? Pour ça, non. Mais j'ai causé avec le clerc d'huissier qui me l'a remis et il m'a expliqué la situation. C'est-il malheureux, monsieur le docteur? Il ne manquait plus à Saniel que d'être plaint par son concierge. Elle n'est pas ce qu'on vous a dit, répliqua-t-il avec hauteur. Allons, tant mieux, j'en suis bien content, pour vous et pour moi. Vous pourrez me payer ma petite note. Vous me la donnerez. Je vous l'ai déjà donnée deux fois, mais je l'ai refaite. La voilà. La réclamation d'un créancier paralysait Saniel, ou bien il restait la bouche béante, étouffée par l'humiliation, ou bien il ne trouvait à répondre que des maladresses. Prenant la note que le concierge lui tendait, il la mit dans sa poche en balbutiant quelques mots. « Voyez-vous, monsieur le docteur, faut que je vous dise ce que j'ai sur le cœur depuis longtemps. Vous êtes mon pays, et je vous estime trop pour ne pas parler. En prenant votre appartement, en vous engageant avec votre tapissier, vous avez fait plus que force, vous vous épuisez. Quittez cet appartement, prenez celui d'en face qui coûte moitié moins et ça ira. Vous ne serez pas forcé d'abandonner le quartier. Qu'est-ce que deviendraient les pays si vous nous quittiez? Vous êtes un bon médecin et tout le monde le reconnaît et le dit. Les pays s'entendent. Maintenant pour ma petite note. Il est convenu que je passerai le premier, n'est-ce pas, comme de juste. Aussitôt que j'aurai de l'argent, je vous payerai. C'est dit? Je vous le promets. Je vous remercie bien. Si ça pouvait être demain, ça ferait mon affaire. Je ne suis pas riche, vous savez, et pourtant j'ai toujours payé le gaz de vos expériences. Son papier timbré dans sa poche, Saniel retourna chez Cafier qu'il rencontra sous sa porte cochère où il lui remit l'exploit de l'huissier. « Je verrai ça ce soir, » dit l'homme d'affaires. « Pour le moment, je vais dîner. Mais soyez tranquille, je ferai dès demain matin le nécessaire. Bonsoir, je meurs de faim. » Si Saniel ne mourait pas de faim, il eût cependant lui aussi dîné volontiers. Mais 3 jours auparavant, il s'était saigné à blanc pour adoucir son tapissier par un acompte aussi fort qu'il avait pu le faire, ne gardant que 5 francs pour lui, et ce n'était pas avec les quelques sous qui lui restaient qu'il pouvait entrer dans un restaurant ni même dans une gargote, si misérable qu'elle fût. Il n'avait qu'à acheter un pain dont il souperait en travaillant, comme cela lui était si souvent arrivé. Mais en rentrant, il ne put pas, comme il le voulait, se mettre à l'article qu'il devait écrire et livrer le soir même. Parmi les besognes dont il s'était chargé, il y en avait une, et non la moins fastidieuse, qui consistait à donner par correspondance des consultations aux abonnés d'un journal de mode ou plus justement à recommander, en empruntant la forme de conseils médicaux, tous les cosmétiques, pâtes épilatoires, élixirs, eaux aromatiques, teintures, essences, huiles, vinaigres, lait, crème, savon, opiats, pommades, glycérine, vaseline, sachets, pastilles, dentifrices, fards. Et aussi toutes les spécialités pharmaceutiques, vins fortifiants, pilules régénératrices, pâtes pectorales, goudron, fer, sirop, purgatifs, auxquels leurs inventeurs voulaient donner une autorité que le public, qui se croit malin, refuse à l'annonce toute simple de la dernière page. Avec l'ambition qui était sienne et la carrière qu'il voulait suivre, il n'aurait jamais consenti à faire sous son nom cette correspondance. Aussi pour ce travail n'était-il que le secrétaire d'un de ses confrères qui, simple médecin de quartier, n'avait pas les mêmes ménagements à garder et signait bravement ses consultations, trouvant que les clients, comme l'argent, étaient toujours bons à prendre, d'où qu'ils vinssent. Saniel remplaçait ce confrère les dimanches d'été et de temps en temps recevait à titre gracieux une caisse de parfumerie ou de produits pharmaceutiques qu'il vendait au rabais quand l'occasion s'en présentait. Toutes les semaines, on lui donnait la liste des cosmétiques et des spécialités qui devaient figurer dans sa correspondance, et n'importe comment, il fallait les recommander, soit en répondant aux lettres qui lui étaient réellement adressées, soit en inventant des questions lui permettant de les introduire plus ou moins à propos. Il commençait à consulter cette liste et l'alias de lettres des abonnés que le journal lui avait envoyés, quand la sonnette de la porte d'entrée tinta. C'était peut-être un malade, le bon malade qu'il attendait vainement depuis 4 ans, il quitta son bureau pour aller rouvrir. C'était son charbonnier qui venait pour sa petite note. « Je passerai un de ces jours chez vous, » dit Saniel. « Ce soir, je suis pressé. » « Et que moi aussi, je suis pressé. J'ai une échéance demain et j'ai compté sur monsieur le docteur. Je n'ai pas d'argent ici. Que monsieur le docteur me donne seulement un acompte. Je vous dis que je n'ai pas d'argent ici. » « Alors, c'est donc vrai ce qu'on raconte ? Que monsieur le docteur va être poursuivi par les huissiers, qu'on va le vendre ou lui reprendre ses meubles? Il ne voudra pas me faire perdre mon argent. Je suis un père de famille. » Saniel ne le savait que trop qu'il était père de famille, ayant eu à soigner depuis 4 ans cette famille, composée d'une mère et de 3 enfants constamment malades, sans qu'il eût jamais été question de lui payer ses visites. Tant bien que mal, après une interminable discussion, il parvint à renvoyer le charbonnier et rentra dans son bureau pour se mettre à son article. La première lettre qu'il prit, signée « Parfum de cyclamen », demandait des conseils pour les dents. Il répondit « Parfum de cyclamen, abandonnez votre dentifrice qui est dangereux et vous ferez perdre toutes vos dents avant 5 ans. Adoptez celui de la pharmacie Durand, 215 rue Richelieu, dont je vous garantis les bons effets. » Jeune femme pâle, l'opération est radicale, sans danger pour la peau et pour la santé, mais elle doit être faite par une main habile à manier l'électricité. Adressez-vous à moi, 117 chaussée d'Antin, de 2 à 4 heures, j'aurai grand plaisir à vous voir. Moi, ce n'était pas lui, Saniel, mais bien son confrère, celui qui signait cette correspondance et qui, par ses amorces, pêchait ainsi quelques clients. Il allait passer à la troisième, signée « Une affligée de 20 ans », lorsque la sonnette retentit de nouveau. Cette fois, il n'ouvrirait pas, encore un créancier sans doute, et il écrivit son conseil. Et pourtant, depuis 4 ans, il attendait que la chance tirât pour lui un bon billet à la loterie de la vie. Une malade riche, atteinte d'un kyste ou d'une tumeur, qu'il conduisait chez un chirurgien à la mode, lequel partageait avec lui les 10 ou 15 000 francs pris de l'opération. Alors il était sauvé. Il courut à la porte. La malade au kyste se présenta sous la forme d'un petit homme barbu, à la trogne allumée, portant par-dessus sa veste le tablier en grosse toile noire des marchands de vin. C'était en effet le marchand de vin du coin, qui, ayant lui aussi appris la vérité de l'huissier, venait toucher sa petite note pour fourniture de vin et de portions faites depuis 3 mois pour les déjeuners de monsieur le docteur. La scène qui s'était passée avec le charbonnier recommença plus vive, plus violente, et il fallut que Saniel se fâchât, menaçât pour mettre à la porte le marchand de vin qui ne partit qu'en promettant de revenir le lendemain avec son huissier. Saniel reprit son article. « Une parisienne en perspective. Puisque vous viendrez bientôt à Paris, je diffère mon ordonnance jusqu'à votre arrivée. Toutes les explications ne valent pas un coup d'œil. Que votre première visite soit pour le 117 de la chaussée d'Antin. Vous êtes certaine de me trouver de 2 heures à 4 heures. » Entre Perruche et Ouistiti, faites usage des sachets de toilette de la parfumerie du Magnolia. Ils retarderont vos rides, que vous exagérez certainement, votre style le dit. Sa plume courait sur le papier lorsqu'un bruit de pas lui fit lever la tête. Ou bien il avait mal fermé sa porte sur le dos du marchand de vin, ou bien c'était son domestique qui venait d'entrer avec sa clé. Alors que voulait-il? Ce n'était point toute la journée qu'il l'employait, mais seulement à l'heure de la consultation, pour le ménage et pour ouvrir aux clients quand ils s'en présentaient. Comme il allait se lever pour voir qui marchait ainsi, on frappa à sa porte. C'était en effet son domestique, à l'air penaud et embarrassé. « Qu'est-ce qu'il y a, Joseph ? » ?»« J'ai pensé que je trouverais monsieur et je suis venu. » »« Pourquoi ?» Joseph hésita, puis prenant courage, il dit avec volubilité, en tenant ses yeux baissés, « Je viens demander à monsieur de me payer mon mois qui était échu du 15 parce qu'il y a besoin d'argent à la maison, tout de suite. S'il n'y avait pas besoin d'argent, je ne serais pas venu. » Saniel le regarda. « Vous ne savez pas qu'un huissier a laissé du papier timbré chez le concierge ? » ?»« Qu'est-ce qui a pu dire ça, monsieur ? Le savez-vous ou ne le savez-vous pas ? » ?»« Eh bien, c'est vrai. Alors, comme quand les huissiers sont quelque part, ils raflent tout. J'ai pensé que monsieur, qui est si juste, ne voudrait pas que je perde mon pauvre argent que j'ai eu tant de mal à gagner. Alors je suis venu et me voilà. Eh bien, je n'ai pas d'argent. Si j'en avais eu, j'aurais payé l'huissier. Faut donc que je perde mes gages? Je vous payerai plus tard. Quand? Aussitôt que je pourrai. Est-ce que les huissiers vous laisseront faire? Ils vont tout vendre ici. Si monsieur voulait, je le tiendrai quitte. Comment? J'emporterai la redingote que monsieur m'a fait faire il y a 2 mois. Bien sûr qu'elle ne vaut pas ce qui m'est dû, mais ce serait toujours ça. D'accord, emportez la redingote. Joseph eut vite pris sa redingote dans l'armoire de l'entrée où elle était accrochée, et il la roula dans un journal. Pour l'heure, monsieur ne comptera pas sur moi demain, dit-il en déposant sa clé sur un coffre. Il faut que je cherche une place. C'est bien, je ne compterai pas sur vous. Bonsoir, monsieur. » Et Joseph fila au plus vite. Resté seul, Saniel ne se remit pas tout de suite au travail. Mais se renversant dans son fauteuil, il promena un regard mélancolique dans son cabinet et jusque dans le salon dont la porte était restée ouverte. À la faible lueur de sa bougie, il voyait ses grands fauteuils méthodiquement alignés de chaque côté de la cheminée, les draperies des fenêtres noyées dans l'ombre et tout ce mobilier qui, depuis 4 ans, lui avait coûté tant d'efforts. C'était de ce Louis XIV de Camelot qu'il avait été si longtemps prisonnier et par qui maintenant il allait être exécuté. La belle affaire, vraiment, intelligente et habile. Tout cela n'avait servi qu'à de pauvres Auvergnats sans que lui-même en jouît, n'ayant pas le goût bourgeois du bibelot ni le besoin du bien-être. Un mouvement de colère et de révolte contre lui-même lui fit asséner un coup de poing sur son bureau. Quel naïf il avait été! De nouveau la sonnette tinta. Cette fois, il n'entendrait pas, ne comptant plus sur la cliente riche. Après un court instant, on tambourina doucement sur la porte. Alors, se levant vivement, il courut ouvrir. Une femme se jeta à son cou. « Ah, mon chéri, que je suis content de te trouver chez toi !» Chapitre 6. Elle lui avait passé un bras autour de la taille et se serrant contre lui, se pelotonnant, ils étaient entrés dans le cabinet. « Que je suis donc contente » répéta-t-elle. « Quelle bonne idée j'ai eue !» Et d'un brusque mouvement, elle se débarrassa de la longue redingote en drap gris qui l'enveloppait jusqu'aux pieds. « Et toi, es-tu content ? » dit-elle en se plaçant devant lui pour le mieux regarder. « Peux-tu le demander ? » « Simplement pour te l'entendre dire. » N'es-tu pas ma seule joie, la douce lumière qui m'éclaire au fond du puits où je pioche jour et nuit? Cher Victor! C'était une grande et svelte jeune femme aux cheveux châtains qui la coiffait de boucles épaisses jusque sur les sourcils. De beaux yeux sombres, un nez court, des dents superbes et des gencives couleur de fraise lui donnaient l'air d'un joli chien. Elle en avait la gaieté, la vivacité, l'effronterie gracieuse, la caresse passionnée du regard. Habillée à la diable, en parisienne qui n'a pas le sou mais qui part tout ce qu'elle porte, elle avait une désinvolture, une élégance naturelle qui charmait. Avec cela, un ton bon enfant, un rire joyeux et une expression de sensibilité répandue sur son visage frais. « Je viens dîner avec toi, » dit-elle gaiement, « et j'ai une faim. » Il laissa échapper un mouvement qu'elle saisit. « Je te gêne ? » dit-elle inquiète. « Mais pas du tout. Tu as à sortir ? Non. Alors pourquoi as-tu fait un mouvement qui trahissait de l'ennui ou tout au moins de l'embarras ? Tu te trompes, ma petite Phyllis. Avec un autre, je me tromperais peut-être, mais avec toi, est-ce que c'est possible ? Tu sais bien qu'entre nous, il n'est pas besoin de paroles, que je lis dans tes yeux ce que tu vas dire, sur ta physionomie ce que tu penses comme ce que tu sens. Est-ce qu'il n'en est pas toujours ainsi quand on aime comme je t'aime ? Il la prit dans ses bras et longuement il l'embrassa. Puis, allant à un fauteuil sur lequel en rentrant il avait jeté son pardessus, il tira d'une poche le pain qu'il avait acheté. « C'est que... voilà mon dîner, » dit-il en montrant son pain. « Oh, il faut que je te gronde. Le travail te fait perdre la tête. Ne peux-tu prendre le temps de manger ?» Il eut un triste sourire. « Ce n'est pas le temps qui m'a manqué. » Il fouilla dans sa poche et en tira 3 gros sous qui lui restaient. « On ne dîne pas au restaurant avec 6 sous. » Elle se jeta sur lui. « Oh, chérie, pardonne-moi, » s'écria-t-elle. « Pauvre cher martyr, cher grand homme, c'est moi qui t'accuse quand je devrais embrasser tes genoux. Et tu ne me grondes pas. Un triste sourire est toute ta réponse. Et quoi, tu en es là? Pas même de quoi manger? On mange très bien avec du pain. » Que ne suis-je assurée d'en avoir toujours ? Eh bien, aujourd'hui je veux que tu aies mieux et plus. Ce matin, en voyant le mauvais temps, il m'est venu une idée à laquelle tu étais associée. C'est bien naturel, puisque tu ne quittes ni mon cœur ni ma pensée. J'ai dit à maman que si la bourrasque continuait, je coucherais à la pension. Tu t'imagines avec quelle émotion j'ai écouté le vent toute la journée en regardant la pluie tomber, mêlée aux feuilles et aux branches mortes qui passaient en tourbillon. Dieu merci, le temps a été assez mauvais pour que maman me croie bien tranquille à la pension. Et me voilà à toi, jusqu'à demain matin. Mais comme ne nous pourrons pas rester à jeun jusque-là, en nous contentant de ton pain, je vais aller acheter à dîner. Nous ferons la dînette au coin du feu. Ce sera bien plus amusant que d'aller au restaurant. » Elle endossa vivement sa redingote. « Mets la table pendant que je fais mes achats. » J'ai mon article à finir, qu'on va venir chercher à 8 heures. Pense que j'ai encore à recommander 3 vins toniques, 5 préparations de fer, une teinture au henné, un lait mammaire, 2 lotions capillaires, un opiat, je ne sais combien de savon et de poudre de riz, et qu'il faut que, de force ou de bonne volonté, ils entrent dans mon article. Quel métier! Eh bien, ne t'inquiète pas de la table, nous la mettrons ensemble quand tu auras fini, ce qui ne sera que plus amusant. Tu prends tout par le bon côté, toi. Est-ce qu'il est meilleur de le prendre par le mauvais? À tout à l'heure. Elle allait tirer la porte. Ne fais pas de folie, dit-il. Il n'y a pas de danger, répondit-elle en frappant sur sa poche. Puis, revenant à lui, elle l'embrassa passionnément. Travaille. Et elle partit en courant. Il y avait 2 ans qu'ils s'aimaient. À cette époque, Saniel allait toutes les semaines aux environs de Paris, faire dans une pension un cours d'anatomie à l'usage des jeunes filles qui se préparaient aux examens de l'hôtel de ville, et chaque fois il se rencontrait avec une jeune femme qu'il n'avait pas pu ne pas remarquer. Elle partait et revenait aux mêmes heures que lui, et donnait des leçons dans la pension rivale de celle où il professait. Comme elle portait souvent sous le bras un grand carton ou quelquefois un moulage en plâtre, il avait conjecturé, sans avoir besoin pour cela d'un effort, que c'était le dessin qu'elle enseignait. Tout d'abord, il n'avait pas fait attention à elle. Que lui importait cette maîtresse de dessin? Il avait autre chose en tête que les femmes. Mais peu à peu, précisément parce qu'elle était discrète et réservée, il avait été frappé par la vivacité et la gaieté de sa physionomie. Il y avait vraiment plaisir à regarder cette jeune femme jolie et surtout plaisante. Cependant, il n'avait rien laissé voir de ce qu'il pensait d'elle. Si leurs yeux se souriaient lorsqu'ils se rencontraient, c'était tout. Eux, ils ne se connaissaient point. Quand ils descendaient de wagon, ils ne s'en allaient point côte à côte. Quand ils prenaient le trottoir de gauche, il était certain d'avance qu'elle prendrait celui de droite et réciproquement. Les choses avaient continué plusieurs mois ainsi, sans que jamais un mot fût échangé entre eux. Seulement par la force des choses, ils avaient l'un et l'autre appris qui ils étaient. Elle, professeure de dessin, comme il l'avait deviné, s'appelait Mademoiselle Phyllis Cormier. Elle était la fille d'un peintre mort depuis 7 ou 8 ans, qui avait eu une certaine réputation. Lui était un médecin à qui on prédisait un bel avenir, un homme très fort qu'on verrait un jour à l'œuvre. Et naturellement, leur attitude l'un envers l'autre était restée la même. Il n'y avait pas là de raison particulière pour qu'elle changeât. Le hasard avait fait naître ses raisons. Un jour d'été, que le temps s'était subitement mis à l'orage à l'heure où il reprenait ordinairement le train, Saniel, revenant au chemin de fer, avait rejoint en route Mademoiselle Phyllis Cormier, qu'il voyait se hâter devant lui. Ils avaient encore 500 ou 600 mètres à parcourir à travers une plaine sans maison avant d'arriver à la station, c'est-à-dire plus que le temps d'être inondé si les nuages noirs que roulait le vent se décidaient à crever. Lui avait un parapluie qu'on venait de lui prêter en quittant la pension. Elle n'en avait point. Pour la première fois, il s'était décidé à lui adresser la parole. « Il semble que l'orage va nous prendre avant que nous ayons gagné la station. » « Vous n'avez pas de parapluie. Voulez-vous me permettre de marcher près de vous? Je vous abriterai avec celui qu'on vient de me prêter. » Elle avait répondu par un sourire et ils s'étaient mis à marcher côte à côte jusqu'au moment où la pluie s'était abattue sur eux. Alors elle s'était rapprochée de lui et ils étaient entrés dans la gare en causant gaiement. « Votre parapluie vaut mieux que la jupe de Virginie, » dit-elle. « Qu'est-ce que c'est la jupe de Virginie? Vous n'avez pas lu Paul et Virginie? Non. » Elle l'avait regardé avec un sourire un peu moqueur, se demandant ce que les gens très forts pouvaient bien lire. Non seulement Saniel n'avait pas lu le roman de Bernardin de Saint-Pierre, pas plus celui-là que d'autres d'ailleurs, mais encore il n'avait jamais aimé, les choses du cœur n'étant pas plus son fait que celles de l'imagination. Il faut du loisir pour les lectures d'agrément, et plus encore pour l'amour, comme il leur faut une liberté d'esprit et une indépendance de vie qu'ils n'avaient pas. Où aurait-il trouvé le temps de lire des romans? Quand et comment se serait-il occupé d'une femme? Celle qu'il avait eue depuis son arrivée à Paris n'avait jamais pris sur lui la plus légère influence, et il n'avait gardé d'aucune un souvenir bien distinct. Au contraire, pensant à cette promenade sous la pluie, il avait retrouvé cette jeune fille avec une sûreté de mémoire tout à fait extraordinaire chez lui. L'impression avait donc été bien forte qu'elle se continuait ainsi. Il revoyait Phyllis avec son sourire qui découvrait ses dents éblouissantes. Il entendait la musique de sa voix et cette plaine monotone qu'il avait si souvent traversée sans jamais la voir lui apparaissait comme le plus joli paysage du monde. Évidemment, un changement s'était fait en lui. Quelque chose s'était éveillé dans son esprit. Pour la première fois, il s'était aperçu que l'organe conoïde, creux et musculaire, qu'on appelle le cœur, peut servir à autre chose qu'à la circulation du sang. Quelle surprise et aussi quel désappointement! Allait-il être assez naïf pour aimer cette jeune fille et empêtrer d'une femme sa vie déjà si difficile et si lourdement remplie? La belle affaire, en vérité, et comme la nature l'avait bâtie pour jouer les amoureux, il est vrai que ceux-là seulement qui le veulent bien deviennent amoureux, et que par expérience, ils connaissaient la force de volonté. Mais il avait bientôt fallu en rabattre de cette confiance en soi. Loin de Phyllis, il pouvait ce qu'il voulait. Près d'elle, c'était elle qui voulait. D'un regard, elle était maître de lui. Il arrivait furieux pour l'influence qu'elle avait prise sur lui et contre laquelle il s'était débattu depuis qu'il ne s'était vu. Il la quittait, ravi de sentir combien profondément il l'aimait. Pour un homme dont la raison et la logique avaient réglé la vie jusqu'à ce moment, ses contradictions étaient exaspérantes et il ne se pardonnait de les subir qu'en se disant qu'elle ne pouvait modifier en rien la ligne de conduite qu'il s'était tracée ni le faire dévoyer du chemin qu'il suivait. Riche, ou simplement avec un peu de fortune, il eût pu, quand il était près d'elle et en sa puissance, se laisser entraîner. Mais ce n'était pas quand il crevait de faim qu'il allait faire la folie de prendre une femme. Qu'aurait-il à lui donner? Sa misère, rien que sa misère. Et la honte, à défaut d'autres raisons, l'empêcherait à jamais de la lui offrir. Depuis qu'ils se connaissaient, elle avait elle-même, tout naturellement, en causant, complété les renseignements qu'il avait eus tout d'abord. Elle était bien, comme on le lui avait dit, la fille d'un peintre. Son père, qui avait eu des commencements difficiles, était mort au moment où, après des années de lutte acharnée, il arrivait à la fortune. 10 années de plus de travail et il laissait à sa famille, sinon la richesse, au moins une très belle aisance. En réalité, il ne lui avait laissé que la ruine. L'hôtel qu'il s'était fait construire vendu et les dettes payées, il ne leur était resté que quelques meubles. Il avait fallu travailler. Ils étaient trois, une mère, un fils et une fille. La mère, qui n'avait pas de métier, s'était mise à des travaux de lingerie. Le fils avait quitté le collège pour entrer clerc chez un homme d'affaires appelé Caffier. La fille, qui heureusement pour elle avait appris à dessiner et à peindre sous la direction de son père, avait cherché des leçons et pour ajouter au peu qu'elle lui procurait, elle dessinait des menus de dîner pour les papetiers et peignait sur soi des coffrets et des éventails. Il vivait, et bien juste, avec une dure économie et des privations de toutes sortes. Encore le frère, là de la triste existence et du labeur que lui imposait son homme d'affaires, venait-il de les quitter pour aller tenter la fortune en Amérique. Si Saniel se mariait jamais, ce dont il doutait, ce ne serait pas à coup sûr une femme dans ces conditions qu'il épouserait. Cette réflexion le rassurant, il s'était un peu plus livré avec elle. Pourquoi ne jouirait-il pas du plaisir très doux qu'il avait à la voir et à l'entendre? Sa vie n'était pas déjà si gaie et si heureuse. Il se sentait parfaitement sûr de lui, et tel qu'il la connaissait maintenant, il était tout aussi sûr d'elle. Une brave et honnête fille. D'ailleurs, comment eût-elle deviné qu'il l'aimait? Ils avaient donc continué à se voir avec un plaisir qui semblait égal des deux côtés, à l'un au-devant de l'autre, aussitôt qu'ils s'apercevaient dans la gare, s'attendant, montant dans le même wagon, s'arrangeant toujours pour faire route ensemble à l'aller comme au retour, et s'entretenant librement, gaiement, oubliant si bien le temps qu'il était rare que l'arrivée ne les surprît point. Les choses avaient marché ainsi jusqu'à l'approche des vacances, c'est-à-dire d'une séparation momentanée. Et un peu avant ce moment, ils avaient décidé qu'après leur dernière leçon, au lieu de prendre le train à la station comme à l'ordinaire, ils iraient à une lieue de là pour revenir à Paris par le tramway, ce qui leur ferait une promenade d'une bonne heure à travers bois. Le soleil était chaud ce jour-là. À moitié chemin, Phyllis avait demandé à se reposer un moment. Ils s'étaient assis dans un taillis et bientôt ils s'étaient trouvés aux bras l'un de l'autre. Depuis, Saniel n'avait jamais parlé de mariage et Phyllis n'en avait jamais rien dit de son côté. Ils s'aimaient.